L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Cette année, NQT Grand Est fête ses 10 ans. L'association qui accompagne depuis une décennie des jeunes diplômés issus de milieux défavorisés vers l'emploi grâce à un système de parrainage avec des cadres et dirigeants, organise une soirée, une grande soirée même, le mercredi 15 octobre. Ce sera à l'hôtel de ville de Nancy. Pour en parler, nous accueillons en studio Kevin, Laure et Hugo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous représentez donc NQT Grand Est. On va faire un petit tour de table. On va laisser d'abord la parole à Laure. Bonjour à tous. Laure des Nouveaux, chargée de mission à l'association NQT. En quelques mots, je peux un petit peu expliquer en quoi consiste mon métier. Donc, c'est d'accompagner des jeunes diplômés dans leur parcours professionnel. Donc, je suis vraiment le mentorat entre un jeune diplômé et un mentor qui est bénévole à l'association du début jusqu'à la fin. On va revenir sur le mentorat. Hugo. Moi, je m'appelle Hugo Père. J'ai le même travail que Laure, donc je ne vais pas en dire plus. Elle a tout dit et je suis en binôme avec elle. Et Kevin. Bonjour à toutes et tous. Donc, Kevin Aubin, attaché régional Grand Est. Donc moi, j'interviens en amont de mes collègues puisque je développe les partenariats, les actions à mettre en place et les événements, dont les 10 ans qui arrivent donc le 15 octobre prochain. Dont on va parler, mais avant ça, on va réexpliquer un peu NQT, ce que ça veut dire NQT. Et vous avez parlé de mentorat. Expliquez-nous tout ça. Donc NQT, c'est Nos quartiers ont des talents. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis par un chef d'entreprise qui s'est rendu compte que les jeunes sortaient d'études, ils avaient Bac plus 5, mais ils n'avaient pas le réseau. Et il y avait une injustice entre les jeunes qui habitaient dans les quartiers nord de Paris et ceux qui habitaient dans le 16e. Donc pour contrer cette injustice, il a décidé de se réunir avec des chefs d'entreprise, des collègues, et en fait, ils ont mis les jeunes en mentorat et en quelques mois, ils ont trouvé un travail à la hauteur du niveau de leur diplôme, alors qu'ils galéraient jusqu'à présent. Aujourd'hui, donc, le mentorat, comment ça fonctionne et votre rôle ? Les jeunes diplômés s'inscrivent sur le site NQT, donc nqt.fr, on a également une application. Une fois que le jeune arrive dans notre dispositif, il a un point professionnel donc, avec nous, chargé de mission, et donc on l'intègre petit à petit dans le dispositif pour après le mettre en mentorat avec un mentor. Vraiment, on s'adapte aux attentes et aux besoins des jeunes qui sont dans le dispositif et on fait au mieux pour que le mentorat se passe bien puisqu'il y aura un suivi tous les mois avec nous. Puis on propose plein d'autres choses aussi à côté de mentorat, on fait des ateliers, des événements. Le but aussi, c'est que les jeunes diplômés ne soient pas seuls et faire bénéficier aussi du réseau professionnel qu'on peut avoir au sein d'NQT. Voilà, un réel accompagnement du début à la fin. On peut dire un chiffre peut-être du nombre de jeunes que vous accompagnez sur la région ? Oui, alors maintenant, on est à peu près 5000 jeunes accompagnés depuis nos 10 ans dans le Grand Est. Et c'est aussi de trouver des mentors pour accompagner ces jeunes. Ça, c'est aussi un travail assez important, j'imagine. Oui, en effet. Alors aujourd'hui, sur le Grand Est, on a à peu près 80 structures partenaires, donc structures publiques, privées, associatives. Au sein de ces structures, c'est pas loin de 400 professionnels impliqués et engagés. Donc pour aller chercher ces collaborateurs, donc on intervient dans nos entreprises partenaires, on leur parle du mentorat, on les sensibilise à cette action et sur la base du volontariat, donc ces professionnels vont s'engager auprès des jeunes diplômés. Et donc cette année, ça va permettre d'accompagner plus de 1000 jeunes, puisqu'on va franchir le cap des 1000 jeunes accompagnés en 2025 dans la région Grand Est. Et c'est les 10 ans cette année de NQT, l'occasion de refaire un focus sur cette association, sur toutes vos actions et ce temps fort du 15 octobre. Expliquez-nous un peu à qui ça va s'adresser, qu'est-ce qui va se passer lors de cette journée du 15 octobre. Une journée bien remplie s'annonce, puisque le matin de 9h30 à 12h30, il y aura un forum emploi intitulé le Rivermont Job en co-organisation et co-animation avec les NJP, le 2C, donc l'école de la seconde chance, et la CCI. Donc c'est un grand forum emploi qui aura lieu au Miroir du parc de la Pépinière qui permettra à toute personne, quel que soit son âge ou son niveau de diplôme, de venir sur ce forum, de rencontrer des entreprises, des professionnels, puisqu'il y aura aussi un stand de coaching pour donner des conseils, notamment sur le CV, d'avoir des offres de formation, d'emploi, de stage, d'alternance. Donc ça sera une matinale assez riche ce 15 octobre. Ensuite, l'après-midi, on va dans les salons de l'hôtel de ville de Nancy. De 14h30 à 16h, on aura des tables rondes sur diverses thématiques, donc la qualité de vie et conditions de travail, les métiers de la fonction publique et ou du BTP, le bénévolat notamment aussi, dont on parlera. Donc là, ça sera principalement pour les jeunes que nous accompagnons, donc Bac plus 3 minimum jusqu'à 30 ans inclus. Donc l'idée, c'est de les sensibiliser et de leur ouvrir un peu le champ des possibles sur cet après-midi-là avec des professionnels. Et dans la continuité, on aura un speed meeting où là, les jeunes pourront échanger échanger de façon plus conviviale et informelle avec les professionnels pour avoir notamment des partages et retours d'expérience. Et le point d'orgue, c'est la soirée, donc à partir de 17h30 sous forme d'afterwork. Donc là, on aura une plénière avec diverses interventions d'acteurs institutionnels, des mentors et des jeunes qui viendront témoigner, un cocktail dînatoire où les gens pourront réseauter entre eux et bien évidemment une partie un peu plus festive. Peut-être que mes collègues veulent en dire quelques mots. Oui, effectivement, il y aura une petite partie aussi, un petit peu voilà, concert, musique. On a fait intervenir aussi deux jeunes diplômés qui ont bénéficié donc, du dispositif NQT. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on veut montrer, c'est par le réseau, les mettre en avant lors de cet événement et leur donner la chance aussi, dont un jeune diplômé qui va pouvoir exposer aussi ses œuvres. Donc, c'est vrai qu'on est très content de pouvoir donner cette chance. Et également, un autre jeune diplômé qui va pouvoir aussi nous faire part de son talent artistique, musical. Donc c'est vrai qu'on est assez fiers de ce beau programme. Vous l'avez dit, il y a le matin donc, ce grand forum emploi. Pour y participer, est-ce que des jeunes qui nous écoutent doivent s'inscrire? Comment ça se passe? Pour la matinale emploi, c'est ouvert. On n'a pas voulu que les gens se préinscrivent en amont. Donc là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc toutes les personnes qui résident sur la métropole, vous êtes les bienvenus, quel que soit votre âge ou vos niveaux de diplôme, la porte vous sera ouverte de 9h30 à 12h30 au Magic du Parc de la Pépinière. Et en plus, cette matinale emploi sera animée en chanson, bien évidemment, dans le cadre des Nancy Jazz Pulsation. Pour l'après-midi et la soirée, là c'est sur inscription. Vous aurez bien évidemment toutes les informations sur le site de Radio Fadjet. Donc là, il faut s'inscrire. Donc là, par contre, c'est focus sur les jeunes diplômés qui ont minimum un bac plus 3, moins de 31 ans. Donc voilà, les jeunes qui nous écoutent de la métropole, bah vous êtes les bienvenus sur inscription pour l'après-midi de réseautage. Et pour la soirée, là c'est un petit peu plus ouvert, que vous soyez jeune diplômé ou professionnel curieux aussi de découvrir l'association, peut-être de vouloir engager sa structure dans une action. Et bah là, vous êtes les bienvenus également, donc sur inscription aussi. Donc toutes les infos vous seront relayées sur le site de radiofadjet.net. Et si on veut avoir aussi plus d'infos encore sur NQT, on vous contacte. Si on ne peut pas participer à cette journée, bien sûr, vous êtes joignable tout le temps. Bien sûr. Kevin, Laure et Hugo, je vous laisse le dernier mot, le dernier argument pour convaincre soit des étudiants ou soit des futurs mentors. Moi, j'invite toutes les personnes qui réfléchissent à s'engager pour le mentorat, d'essayer au moins un premier mentorat et de découvrir en fait le réseau de toutes les personnes qui s'engagent pour les jeunes. Ça permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que soi, des valeurs de partage, d'entraide. Et comme dit le fondateur de NQT, Yazid Chir, je cite, NQT, c'est le réseau des gens gentils. Et pour les jeunes qui nous écoutent, les étudiants? En tout cas, bah, nous, on sera ravis de retrouver les étudiants qui sont un petit peu en quête de projet. Voilà, nous, on sera 7 donc présents, donc toute l'équipe Grand Est. C'est vraiment l'occasion pour eux de discuter avec nous, puisque c'est vrai que le présentiel, c'est pas toujours un moment qu'on peut partager. Donc voilà, on est content de pouvoir retrouver tout le monde à cette soirée. Bon anniversaire à NQT et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.